Exercice 2, page 24. A. C'est ma petite maison. B. C'est ma petite maison. C. C'est une petite maison. D. Le jardin est grand.